Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un animal hors du commun, l'un des oiseaux les plus rares au monde, le kakapo. J'aurai ensuite la chance de recevoir le docteur Davy Hung, éthologue spécialiste du comportement animal. Rappelez-vous, il était venu nous parler de canaris espions lors d'une émission précédente. Aujourd'hui, il revient et enfile une nouvelle casquette, celle du directeur du parc de la forêt des singes à Rocamadour. Il va donc nous parler de singes particuliers, les macaques de Barbarie, ou magots, qu'il héberge dans ce parc. Merci David d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Et merci de m'avoir de nouveau invité. J'espère que vous êtes prêts, on décolle. Le règne animal est d'une étonnante diversité. Sur notre chère planète bleue, on recense des milliers d'espèces. Et tous ces animaux sont des merveilles d'adaptation, façonnés par des millions d'années d'évolution, modelés pour vivre dans des environnements parfois extrêmes. Du guépard qui s'élance à près de 100 km/h, aux manchots serrés les uns contre les autres dans la brise glaciale du pôle sud, en passant par les baudroies luminescentes vivant dans les profondeurs abyssales de l'océan. Waouh! Un animal, cependant, me laisse un peu plus perplexe quant à ses super capacités. Le kakapo. En effet, le kakapo ou perroquet hibou est un oiseau rare, genre ultra rare. Au dernier recensement, effectué en 2018, il en resterait 147. En tout, sur toute la planète. Il faut dire que le curieux animal est endémique et on ne le trouve plus que sur de toutes petites portions de la Nouvelle-Zélande, au large de l'Australie. Déjà, faisons le portrait de la bête. Imaginez un perroquet énorme, de 4 kg et de 60 cm de long, qui marche un peu comme un bossu, bien ancré sur ses solides pattes griffues. Couleur treillis, vert mousse avec des taches marron et noir sur tout le plumage. Et une bonne bouille, toute ronde, munie de disques faciaux, comme les hiboux, avec un gros bec entouré de petites plumes fines comme des vibrisses de chat. Mais ses particularités ne s'arrêtent pas là. Le kakapo, même s'il a des ailes, ne peut pas voler, parce qu'il est trop lourd. Heureusement, c'est un très bon grimpeur, et il arrive à se hisser dans les branches grâce à ses solides pattes et à son bec. En plus, et chose rarissime, il vit la nuit. Il est facilement repérable à la forte odeur qu'il dégage, souvent comparé à une odeur de mousse et de sous-bois. De moisi aussi, un peu. Niveau stratégie de défense, il mise donc tout sur le camouflage. Sa stratégie ultime, c'est de rester immobile en cas de menace. Le temps que ça passe, quoi. S'il est dans un arbre et qu'il prend peur, il lui arrive aussi de se laisser tomber au sol, comme une pierre, sans même ouvrir les ailes pour ralentir sa chute. C'est du moins ce que raconte le naturaliste Julius van Haast qui décrivait ses mœurs en 1863. Et comme il ne fait rien comme les autres, il est polygyne, c'est-à-dire que le mâle s'accouple avec plusieurs femelles, fait rarissime chez un perroquet. Habituellement, ils sont monogames et forment des couples fidèles, et bien pas le kakapo. Les mâles se construisent des lecs. Ils s'aménagent chacun une petite cavité dans le sol en forme de cuvette qui permet d'amplifier leurs cris rauques qui peuvent être entendus à très longue distance, plusieurs kilomètres, dit-on. Les prétendants ainsi réunis se présentent sous leurs plus beaux jours, les femelles n'ont plus qu'à choisir. Après l'accouplement, elles repartent, pondre dans leur nid 3-4 œufs et élèvent leurs petits toutes seules. Le hic, c'est que l'on estime que les femelles ne pondent que tous les 2 ou 3 ans. Sur le principe, ce mode de reproduction économe est viable vu que les kakapos font de vieux os. Il pourrait vivre plus de 80 ans. Au rythme d'un petit tous les 3 ans, ça reste rentable. Mais ça, c'était avant. En Nouvelle-Zélande, avant toute invasion humaine, il n'y avait aucun mammifère, excepté deux espèces de chauves-souris. Donc un kakapo, bien qu'il soit incapable de voler, vit dans un endroit reculé et peut vivre sa vie sans trop de danger. Le problème, c'est qu'à chaque colonisation humaine, polynésiens, maoris, européens, de nouveaux animaux sont amenés sur l'île. On estime que 65 espèces ont ainsi été introduites en Nouvelle-Zélande, parmi lesquelles chats, chiens, rats, fouines, furets, tous friands de gros oiseaux balours incapables de fuir. Et leurs œufs. C'est le début de la fin pour notre pauvre perroquet hibou. Peu à peu, les humains s'inquiètent de ne plus le voir. Le gouvernement décide d'agir. En 1891, une île dépourvue de tout prédateur, l'île de Résolution, est classée réserve naturelle, et tous les oiseaux identifiés, 200 spécimens, y sont déplacés par Richard Henry, le naturaliste en charge de la mission. Mais en 1900, c'est le drame. Des belettes arrivent sur l'île. Et en 6 ans, tous les cacapos sont rayés de la carte. Pendant des décennies, et malgré plus de 60 expéditions, on ne croise que quelques rares spécimens, tous des mâles. En 1977, on ne recense que 18 cacapos, que des mâles là encore. Tout espoir semble perdu. En 1995, un programme d'envergure voit le jour pour tenter de sauver l'espèce coûte que coûte. Le Kakapo Recovery Program. Tous les oiseaux trouvés sont déplacés par avion sur des îles sanctuaires débarrassées de leurs menaces. Chaque animal est équipé d'un émetteur radio pour le localiser à tout moment. Mais ça ne suffit pas. Les soigneurs se mettent à défendre les nids contre les rats, les protègent du froid, donnent de la nourriture en plus aux animaux, surtout pour les femelles, pour les inciter à pondre plus. Sauf que l'on s'est rendu compte que les femelles nourries pondaient des œufs avec un sexe ratio biaisé. Elles donnent naissance à plus de poussins mâles que la normale, ce qui est aussi un gros problème pour la survie de l'espèce. Mais on continue malgré tout. Les semences des mâles sont sélectionnées pour minimiser la consanguinité. Les femelles sont inséminées artificiellement pour augmenter le nombre de fécondations. Les œufs sont prélevés dans les nids pour les mettre à l'abri en incubateur. Et les poussins sont nourris à la main par des volontaires dévoués qui prennent bien soin de ne pas imprégner les petits, ce qui rendrait leur relâcher dans la nature impossible. Aujourd'hui, on a donc 147 individus, tous nommés, localisés et dont l'ADN a été séquencé. C'est même la première fois que l'on a l'ADN de tous les individus d'une espèce. Pour continuer à sensibiliser le public à leur cause, un oiseau nommé Sirocco, imprégné et donc incapable de vivre seul à l'état sauvage, a été nommé ambassadeur de la biodiversité par le premier ministre néo-zélandais. Excusez du peu. Il voyage, rencontre son public et fait parler de lui. On l'a notamment vu faire le buzz sur Internet en s'accouplant avec la tête du zoologiste Mark Cowardin sous les rires de l'acteur Stephen Fry dans le documentaire de la BBC « Last Chance to See ». Plus de 8 milliards de vues sur YouTube. Un événement honteux mais qui fit la publicité du Piaf et le rendit célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, vous pouvez joindre ce réel effort de guerre en parrainant votre cacapo. Gulliver, Kouya, Simbad, Félix, Flossie, Lisa ou Waikawa attendent donc vos dons. L'année 2019 en plus semble prometteuse. Les fruits dont ils se nourrissent s'annoncent nombreux, ce qui signifie que le nombre de poussins a des chances d'augmenter. Alors que toutes les équipes sont sur le pont, on ne peut s'empêcher de saluer leur abnégation. En tout cas, même si le cacapo reste un curieux oiseau, peu adapté à son milieu transformé, dénué de la vitesse du guépard ou de la résistance du manchot, il faut bien lui reconnaître un super pouvoir, celui de nous émouvoir. Et nous revoilà avec notre invité, le docteur Davy Ung, éthologue et directeur du parc zoologique La Forêt des Singes à Rocamadour, qui héberge une espèce particulière, le macaque de Barbarie. Bonjour Davy. Bonjour Agatha. Alors, pour commencer, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore, quel est le concept de ce parc, La Forêt des Singes? En quoi est-ce que c'est un parc original? Alors en fait, c'est un parc zoologique assez particulier, puisque contrairement à beaucoup d'autres parcs où vous allez voir beaucoup d'espèces très différentes, mais souvent dans des cages, et malheureusement parfois des petites cages, à la Forêt des Singes, vous n'allez trouver qu'une seule espèce, mais hébergée dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans une grande forêt comme à état sauvage. Il faut savoir que le parc fait environ 20 hectares, donc plus de 30 terrains de football. Ah oui, quand même. Et cette zone, elle a quelque chose de particulier? C'est quel type de paysage? C'est de la forêt vraiment très dense, un peu de la lande, il y a un peu de tout? Alors, il y a un petit peu de tout. Bon, c'est le Causse, donc c'est le paysage autour de Rocamadour, le parc naturel des Causses. On peut voir un petit peu de prairie. Il y a évidemment de la partie forêt un petit peu plus boisée, un petit peu plus dense. Et comme à beaucoup d'endroits sur le Causse, il y a des parties un peu rocailleuses, un peu des falaises, des vallées, des choses comme ça. Donc, ce qui caractérise le Causse, parce que le parc a été classé pour cette particularité-là, c'est vraiment ce côté un peu rocheux, etc. C'est le côté un peu rocailleux, oui, ouais. Effectivement. Le Causse, c'est pas idéal si vous cherchez beaucoup de terre. D'accord. Il y a plus de cailloux. Mais ça peut convenir aux singes. Ça convient très bien aux singes. Est-ce qu'on peut quand même s'approcher des singes s'ils sont en semi-liberté? Si c'est vraiment très grand, on peut quand même les voir facilement? Oui, bien sûr. Alors effectivement, le parc est très grand, mais il y a aussi beaucoup de singes. Ils se baladent en liberté dans le parc, mais il y a une chose effectivement qui les intéresse, c'est qu'à chaque visiteur, on donne une petite poignée de pop-corn à l'entrée. Et donc, le visiteur peut aller donner son pop-corn directement à la main au singe. Et ça, pour les singes, c'est une petite friandise. Et le pop-corn, du coup, ce n'est pas un problème au niveau de leur régime. Ils ne deviennent pas des petites boules, ça va? Non, heureusement, on n'a pas des macaques de Barbarie boules, heureusement. En fait, le pop-corn, déjà, on contrôle la quantité qui est donnée à chaque visiteur pour éviter qu'on en ait trop qui soit donné. Et surtout, en fait, c'est juste du maïs qui est éclaté à sec, sans sucre, sans matière grasse. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment d'impact sur leur régime alimentaire. Oui, donc, c'est vraiment du maïs dégraissé, quoi. Oui. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour leur santé. Non. Alors, je voulais aussi savoir, depuis quand est-ce que le parc existe ? Alors, la forêt des singes, ça a été créé en 1974. Donc, on vient petit à petit vers les 50 ans. Ah oui, donc il y a déjà pas mal de générations de visiteurs qui sont venus vous voir. Oui. Et donc, on le disait, c'est un concept original, il n'y a qu'une seule espèce et les animaux sont laissés vraiment en semi-liberté dans ce grand espace. Est-ce qu'il existe d'autres parcs comparables ? Alors oui, en fait, la forêt des singes fait partie d'un groupe de 4 parcs qui sont basés tous sur le même concept, avec des macaques de Barbarie en liberté. Et il faut savoir que le premier parc à avoir été créé, c'est la montagne des singes à Kinsheim, en Alsace, en 1969. Ok, donc juste avant. Oui. Ensuite, la forêt des singes a été créée et il y a 2 autres parcs qui ont suivi. L'Affenberg-Zalem, au lac de Constance, en Allemagne, et la Trentham Monkey Forest à Trentham, donc un peu plus loin que Birmingham, en Angleterre. D'accord, mais donc ces 4 parcs font partie d'un ensemble. Oui. Ils sont tous connectés entre eux, enfin c'est la même tête pensante. Oui. Ok. Alors, la question quand même qu'on peut se demander, puisque le choix c'est d'avoir 4 parcs avec une seule et même espèce, donc ce fameux macaque de Barbarie, pourquoi lui ? Pourquoi ce singe-là spécifiquement ? Ah, il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'en fait, c'est un singe qui est originaire des montagnes d'Afrique du Nord. D'accord. Au Maroc, en Algérie, donc le Moyen Atlas, voilà, le Rif, la Kabylie par exemple. Et bien, dans ces endroits-là, les conditions climatiques sont assez rudes. Hein. C'est-à-dire qu'en hiver, on a de la neige, on a des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés. Et inversement, en été, c'est vraiment chaud et sec. Okay. Donc c'est finalement assez proche du climat français-européen, qu'on pourrait dire, et en l'occurrence de Rocamadour, puisque même cet hiver, nous, on est descendu jusqu'à moins 10 degrés. Ah oui, donc c'est rocailleux et froid. C'est rocailleux et froid l'hiver et chaud l'été. Donc c'est un climat qui est très proche de leur climat d'origine. Donc déjà, il n'y a pas de problème d'adaptation de ce point de vue-là. Okay. La deuxième chose, c'est que là-bas, encore une fois, ils vont vivre dans des forêts de chênes, des forêts de cèdres, ils vont vivre dans des crêtes rocheuses, des gorges, et c'est exactement ce qu'on retrouve au niveau du Causse à Rocamadour. Et le troisième point, bien, c'est qu'on sait qu'à la fois en Afrique du Nord, mais également à Gibraltar, on a une colonie de magots, et bah, ces magots sont en contact avec les gens, notamment à Gibraltar où il y a beaucoup de touristes. Et bien, ça se passe plutôt pas mal, même si c'est vrai qu'à Gibraltar, les singes sont un petit peu plus sauvages, sont un petit peu moins bien élevés que les nôtres. Mais globalement, c'est une espèce qui n'est vraiment pas du tout agressive et donc qui ne pose pas de problème pour avoir un contact très proche avec les visiteurs. Parce qu'on peut, c'est vrai qu'on peut le craindre aussi, c'est vrai que quand on parle de donner de la nourriture directement à l'animal, ce sont quand même des animaux qui font leur poids. Enfin, ça fait quelle alors, taille un magot moyen? Les mâles, c'est à peu près 17 kilos et d'accord. Les femmels, c'est un petit peu moins. 13, ils sont 14 rapides, kilos. Agiles, enfin, sont des singes, les primates, oui, donc ils sont des singes. Ils ont beaucoup de force et effectivement, en plus, ça reste des animaux sauvages, parce qu'à la forêt des singes, justement, on essaye de les garder tels quels, le plus sauvage possible. Donc si c'était un animal agressif et dangereux, ce serait compliqué de leur proposer du pop-corn. Je comprends tout à fait. Donc au niveau du parc, donc celui de Rocamadour, vous avez combien d'animaux ? Alors on a environ 150 singes qui sont répartis en 3 groupes. Ils sont répartis naturellement de cette manière-là. Il y a à peu près 50 singes par groupe. D'accord. Et au niveau, par exemple, de l'équilibre mâle-femelle, tout ça, en fait, tout ça, c'est de l'auto-organisation. Tous les singes étaient dans le parc et ils sont répartis en groupe, en famille, comme ça, de même. Oui, en fait, ça se fait naturellement et c'est une organisation qu'on retrouve à l'état sauvage aussi, c'est-à-dire des petits groupes de macaques allant de 20 à 80 macaques. C'est à peu près la même chose que ce qu'on retrouve dans le parc. Et ça veut dire que les jeunes, quand ils ont atteint la maturité, ils restent dans leur groupe, ils changent de groupe ? Alors ça dépend. La plupart vont rester dans leur groupe. Les femelles, par exemple, restent tout le temps dans leur groupe natal. Okay. Par contre, chez les mâles, c'est un petit peu différent. Il y en a qui vont rester dans le groupe. Et il y en a qui, à l'adolescence, vont se dire « c'est peut-être un peu mieux chez le groupe voisin » et qui vont essayer d'aller migrer vers le groupe voisin. Et c'est dans le parc qu'on retrouve ça. Si un singe veut changer de groupe, etc., ça se passe bien. Tout à fait. On a les trois groupes, justement. C'est ça l'intérêt du parc, c'est qu'on a beaucoup d'espace. Chaque groupe a son domaine vital. Chaque groupe fait sa vie comme à l'état naturel, quasiment. Et donc, comme à l'état naturel, on a des singes qui changent de groupe de temps en temps. Et il n'y a pas de conflit dans les limites de territoire entre groupes ? Alors, c'est pas vraiment un territoire comme chez d'autres primates. Un territoire, c'est quelque chose qui est vraiment défendu, une zone qui est vraiment défendue contre les autres congénères. Okay. Là, c'est un domaine vital, c'est-à-dire que c'est une zone qui est plutôt pour eux, effectivement, mais qui déjà n'est pas défendue et en plus qui peut changer d'un moment à l'autre de la journée, d'un moment à un autre de l'année. Pour donner un exemple, les singes chez nous, ils ont un domaine vital, on va dire, de journée, où il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a les grands arbres, c'est ici qu'ils passent leur journée. Mais le soir, ils vont aller dormir dans ce qu'on appelle des arbres dortoirs, qui ne sont pas forcément au même endroit. Donc le domaine vital, c'est quelque chose qui est un petit peu flexible, on va dire, et donc il y a beaucoup moins de tension entre les groupes, parce que justement, ils ne défendent pas une zone très précise. Je comprends. Mais par exemple, au niveau des dortoirs, ça peut arriver que les individus des trois groupes se retrouvent au même endroit ou est-ce que chacun non, dort Non, ils ont quand même chacun leur dortoir. Ouais. Ils sont pacifiques, mais il ne faut quand même pas trop pousser. Quand voilà, chacun chez soi. Chacun son coin. Il faut savoir en fait que donc on a trois groupes, mais naturellement, et ça c'est pareil à l'état sauvage, les groupes ont tendance à s'éviter. D'accord. Donc c'est aussi ça qui évite les conflits, c'est que de base, ils ne vont pas trop se chercher des poules les uns les autres. Chacun vit sa vie et puis ça se passe comme ça. Oui. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'ils vivent ces singes ? À quoi ressemble leur vie sociale ? Alors, ils ont une vie sociale assez compliquée, en fait. Comme beaucoup de singes, déjà, ils vivent en groupe. Et ça, c'est très important. Tous les groupes, on vient de le dire, ont leur domaine vital. Et ils ont, en plus de ça, une vie sociale très complexe. Il y a notamment beaucoup d'histoires de hiérarchie. Pour donner un exemple, la hiérarchie s'établit très différemment chez les mâles et chez les femelles. Chez les femelles, c'est presque transmis de mère en fille. D'accord. Donc une femelle bien placée va rester bien placée. Voilà, c'est ça. La fille d'une femelle bien placée va rester bien placée. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que lorsque la fille est en conflit avec d'autres singes, sa mère va venir l'aider dans le conflit. Et donc la position de la mère va, entre guillemets, quasiment déterminer la position de la fille. Mmh. Et lorsque la mère va mourir, c'est la fille qui récupère cette position dans l'hiérarchie. Donc c'est vraiment lié à ce qu'on appelle la matriligne, à la généalogie, la maman, la fille, la petite fille, ainsi de suite. Chez les mâles, par contre, c'est vraiment complètement différent. En fait, ça va être lié à des alliances. Celui qui va devenir le chef chez les mâles, c'est celui qui va avoir le meilleur réseau d'amis au sein du groupe, des alliés qui vont être puissants, qui vont être bien placés et qui vont le soutenir lors des conflits. Oui, pareil. Donc s'il y a un combat, s'il y a le mâle dominant qui a un souci, tous les autres vont venir l'aider potentiellement contre celui qui l'affronte. Exactement. Et celui qui l'affronte va aussi avoir son réseau d'alliance. Mais si son réseau d'alliance est moins bon que celui que son adversaire, que celui du chef, il y a de grandes chances qu'il perde le combat. Et donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la force physique. À chaque fois, les animaux dominants, c'est, donc pour les mâles, c'est les copains. Et chez les femelles, c'est plutôt le statut hérité, quoi. Oui, c'est plutôt ça, effectivement. La force physique peut avoir un petit rôle, mais c'est très loin d'être le rôle principal. Ce qui est plus important, c'est les alliances, la position sociale, des choses comme ça. Et je me demandais, par exemple, quand on a des frères et sœurs, alors par exemple, si on a deux sœurs, est-ce que les deux sœurs vont avoir le même statut que leur mère ou est-ce qu'il peut y avoir des différences ? Ça arrive ? Alors, il y a des petites différences. Globalement, c'est très proche. Mmh. Mais par exemple, lorsque la mère meurt, s'il y a deux sœurs, c'est généralement l'aînée qui va récupérer le statut de la mère. Ça se tient. Et au niveau des comportements, au niveau de cette vie sociale, donc forcément, comme tous les animaux qui vivent en société, ils développent des stratégies pour communiquer entre eux. Chez Imago, comment ça se passe ? Alors chez Imago, il y a, comme chez beaucoup de primates, il y a énormément de moyens de communiquer. La première chose, celle qui est la plus facile à voir ou à entendre plutôt, c'est qu'il y a beaucoup de sons, beaucoup de vocalisations, beaucoup de types de cris chez Imago. On peut citer quelques-uns. Par exemple, il y a le cri d'alerte. S'il y a un prédateur qui arrive, Le magot qui repère le prédateur va pousser un cri d'alerte et là tout le monde est en alerte et tout le monde se sauve, exactement. Il y a d'autres types de cris, il y a des cris de menace, quand ils sont en conflit ils peuvent se menacer les uns les autres. Il y a aussi ce qu'on appelle un cri de protestation qui est assez rigolo. Quand il y a un individu qui se fait attaquer par un autre, il peut pousser ce cri de protestation. Et en fait, ce cri, c'est pour essayer d'obtenir du soutien de la part des autres membres du groupe. Peu rameuter ses alliés. Ouais, genre, voilà. Exactement, exactement. Moi, protestation, j'imaginais celui qui se fait attaquer, genre, oh non, mais c'est fini, là. Il y a peut-être de ça aussi, mais ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir ses alliés qui viennent pour gagner le soutenir. Et oui. Donc, effectivement, il y a plein de choses comme ça au niveau son. Il y a également pas mal de mimiques et d'expressions. Par exemple, pour la menace, encore une fois, l'expression, c'est la bouche en haut. Vous essayez de faire un rond avec votre bouche. Vous regardez de manière insistante et vous avancez la tête vers l'autre. Et ça veut dire, attention, ça ne va pas là. Ça va mal se passer. Exactement. Et puis, il y a aussi plein de gestes et d'attitudes et de choses comme ça. Une qui est très connue, c'est l'épouillage. Et l'épouillage, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, en réalité, ça rien à voir avec les parasites ou quoi que ce soit, c'est un comportement de communication. L'épouillage, en fait, ce qu'ils vont retirer des poils, c'est pas du tout des parasites, souvent c'est des pellicules ou des choses comme ça. Et c'est un geste qui permet de renforcer les liens, c'est un geste très amical et qui renforce les liens entre les deux individus, celui qui épouille et celui qui est épouillé. Donc même s'ils n'ont pas de puce, pas de tique, ils vont quand même passer beaucoup de temps à faire ça les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Quand vous voyez un singe qui épouille l'autre singe, c'est pas du tout une histoire de parasite, c'est plutôt une histoire de renforcer les liens. Et au niveau de l'épouillage, en fait, on est d'accord, ceux qui s'épouillent entre eux, c'est ceux qui s'aiment bien. Et c'est aussi, est-ce qu'il y a un lien de dominance? Est-ce que c'est le dominant qui va être épouillé par le dominé ou ça varie? Oui, effectivement. Alors, c'est des singes qui, comme vous le dites, sont proches. Ça peut aussi être des histoires de dominance et ça peut même être autre chose. Après un conflit, si un singe a reçu du soutien de la part d'un autre singe, il peut l'épouiller, entre guillemets, en guise de remerciement. Oui, en contrepartie. Exactement. Et comme autre comportement, par exemple, au niveau des groupes sociaux, est-ce que, on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que le mâle dominant va être au-dessus de la femelle dominante? Comment ça se passe? S'il y a un seul chef, est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas du tout déjà? Alors oui, ça fonctionne comme ça. Chaque groupe a un chef et c'est toujours un mâle. D'accord. Un mâle, généralement, dans la force de l'âge, entre 10 et 15 ans à peu près. Il faut savoir que dans la hiérarchie, les mâles sont au-dessus des femelles. Et pour les jeunes, c'est un petit peu différent. Pour les jeunes, c'est lié à la force. D'accord. Et donc, un jeune de 2 ans sera en dessous d'un jeune de 4 ans qui, forcément, est un peu plus costaud que lui. Et donc, force de l'âge, c'est 10-15 ans, mais ça peut vivre jusqu'à quel âge, un magot? Alors, en moyenne, dans le parc, c'est 23 ans, 24 ans. D'accord. Sachant qu'on a certains individus qui arrivent à vivre très vieux, jusqu'à 30, 31 ans. Ah oui. Faut savoir que c'est très âgé, hein, parce que chez un humain, ça représente plus de 100 ans. Oui, parce que... Donc, c'est quelque chose. Ok, et au niveau, donc on parlait de ces comportements plutôt positifs, l'épouillage, la bouche en haut, etc. Est-ce qu'il y a d'autres types de comportements qui sont vraiment propres aux magots? Oui, alors il y a deux comportements pour lesquels les magots sont assez reconnus dans la communauté scientifique. Le premier, c'est les interactions entre les mâles et les bébés. En fait, il faut savoir que chez les magots, les mâles vont s'occuper dès les bébés, mais vraiment dès les premiers jours, hein, très rapidement après la naissance. Ils vont les porter, ils vont les épouiller, ils vont les protéger. Et il faut savoir que tous les mâles ne vont pas s'occuper de tous les bébés. En fait, ils ont des préférences qui ne sont pas du tout liées à la paternité, parce que les mâles ne savent pas s'ils sont le père des bébés. Donc, dans le doute, ils sont sympas avec tous les petits qu'ils trouvent. Ils sont sympas avec tous les petits qu'ils trouvent. C'est vraiment... voilà, le mâle magot aime beaucoup le bébé magot. Et du coup, le petit, il n'est pas dévalorisé dans le sens où il a vraiment un rôle à jouer dans cette vie sociale. Oui, en fait, vraiment, chez les magots, le bébé est au centre de toutes les attentions du groupe. Et le bébé a aussi un rôle très important pour les mâles. Et ça, c'est le deuxième comportement qui est très connu dans la communauté scientifique. C'est ce qu'on appelle la rencontre entre deux mâles et un bébé. Et c'est vraiment unique chez les primates. Les mâles magots, en fait, ils vont utiliser ces bébés comme facilitateurs sociaux de leur relation entre eux, comme intermédiaire social. Entre les mâles, du coup. Entre c'est les mâles. C'est pas pour aller voir une femelle. C'est non, un pas entre... du tout. En fait, d'accord. Ce qui se passe, c'est que vous avez un mâle qui va prendre un bébé à la mère, à la femelle, et il va l'amener voir un autre mâle. Les deux mâles vont s'asseoir comme ça avec le bébé et ils vont utiliser le bébé pour établir un contact amical, mais entre eux. D'accord. Donc c'est vraiment un facilitateur tiens, social. Tiens, regarde cet enfant, pouf. Exactement. Ils deviennent potes entre eux. D'accord. Voilà, ils deviennent potes entre eux et c'est quelque chose qui leur permet de créer et de renforcer leurs liens, mais vraiment entre eux. Et ils le font pas du tout avec les femelles, parce qu'on peut se dire avec des rapprochements un peu courts que bah voilà, les papas ils peuvent utiliser le fait d'avoir les bébés pour aller fraterniser avec les mamans, etc., pour se faire bien non, voir. Mais là non. Effectivement, non, c'est plutôt vraiment c'est plutôt entre mâles. Et les femelles se laissent piquer leurs petits ? Elles sont pas agressives envers les mâles ? Non, pas du tout. Bon, de temps en temps. Ont envie de récupérer le petit, ça dure un petit peu longtemps à leur goût, on va dire. Mais non, en plus, bon, vu que les mâles s'occupent beaucoup des bébés et qu'ils les protègent beaucoup, c'est moins embêtant que si les mâles prenaient le bébé et oui, puis qu'ils ça. Le laissaient traîner dans un coin ensuite. Une fois qu'ils avaient fini leur apéro, ils le laissent dans un c'est coin, ça. C'est sûr. On en a parlé tout à l'heure, au niveau du parc, donc on est très proche des conditions à l'état sauvage. Donc au niveau des comportements, là on en a cité plusieurs, mais qu'est-ce qu'on a la chance de pouvoir observer en direct à la forêt des singes à Rocamadour ? Bien, c'est ça qui est sympa avec la forêt des singes, c'est que vu que les conditions d'hébergement sont très proches des conditions de l'état sauvage, et ben, on observe quasiment tous les comportements qu'on observerait à l'état sauvage. On va voir des singes chercher leur nourriture quasiment toute leur journée parce qu'on leur distribue de la nourriture, mais on fait en sorte que ce soit distribué sur de grandes surfaces pour que les singes aient à chercher leur nourriture et pour qu'ils n'aient pas besoin de se battre entre eux pour avoir accès à la nourriture. On va aussi avoir tout ce qui est interaction sociale. On l'a dit, c'est des animaux qui sont très sociaux, pour lesquels les relations sociales et la vie en groupe sont très importantes. Donc on va voir tout le panel de comportements sociaux. Des épouillages, comme on a pu en parler tout à l'heure. On va voir tous les soins des bébés, les femelles qui s'occupent de leurs petits, les mâles qui protègent les bébés. On va aussi voir de temps en temps des conflits, des mâles, des femelles qui se battent, qui se disputent, qui se chamaillent. On peut voir aussi, vu qu'on a toutes les tranches d'âge, les jeunes qui s'amusent, en général qui font les fous dans les arbres, qui font les fous autour des bassins, dans l'eau. Est-ce qu'il y a des bassins au parc ? Il y a des bassins dans le parc, d'accord. Oui, effectivement. Donc on peut voir à peu près tous les comportements que les singes pourraient exprimer à l'état sauvage. Et les magots, ils savent nager ? Parce que j'avais lu que certains grands singes, comme les chimpanzés, ils n'étaient pas à l'aise du tout dans l'eau. Les magots, non, alors les magots, ils peuvent nager sur de courtes distances. D'accord, ils se débrouillent. Oui, ils ne sont pas de grands nageurs, non. Parce que c'est vrai qu'on les confond souvent aussi avec les singes qui prennent des bains d'eau chaude au Japon. Parce oui, qu'ils se ressemblent un peu. Les macaques japonais, effectivement, ça reste des macaques. D'accord. Ils se ressemblent un peu, mais non, ça n'est pas c'est la pas même espèce. Espèce. Pas du tout. D'accord. Donc le parc, donc, c'est une zone sauvegardée, on l'a dit. Mais on peut aussi trouver d'autres espèces sauvages qui viennent d'elles-mêmes. Alors quelles sont-elles ces espèces qui s'invitent ? Alors ces espèces qui s'invitent, ce ne sont que des petites espèces. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour éviter la transmission de maladies ou le fait qu'il y ait des espèces exotiques qui se développent dans un environnement qui n'est pas fait pour elles, la réglementation interdit les contacts entre les animaux comme les singes et la faune locale. Voilà, donc dans le parc, nous n'avons pas de gros animaux de type sanglier, renard, chien, chat. Ça, c'est évité. Par contre, nous avons beaucoup d'autres espèces qui viennent, notamment les oiseaux, qui profitent beaucoup des graines qu'on donne aux singes. Et du pop-corn. Et du pop-corn un petit peu, mais surtout des graines. Non, on a des tas d'espèces d'oiseaux. On a des pinsons, des sittelles, des faciers en été. En ce moment, on a même une perdrix rouge qui se balade sur le parking. On a énormément de lapins. Les lapins sont très copains avec la forêt des singes, mais c'est surtout qu'ils sont très tranquilles vu qu'il n'y a pas de renards ou de prédateurs. Mais on a aussi deux espèces qui sont plus discrètes et qui sont très intéressantes dans le parc, c'est le lézard osselé et la cigale. Le lézard osselé, c'est vraiment un lézard qui est magnifique, c'est le plus grand lézard d'Europe. D'accord. Il peut faire de la tête jusqu'à la queue 75 cm de long. Ah oui, c'est déjà une belle bête. C'est une belle bête, exactement. Et en plus, il est vraiment beau d'un point de vue visuel, il est magnifique, parce que c'est un lézard qui va arborer des couleurs vert quasiment fluo au moment de la reproduction, avec des taches bleues, des taches noires. C'est vraiment un très bel animal qu'on ne voit pas très souvent. Et le deuxième animal qu'on voit encore moins souvent, mais par contre qu'on entend beaucoup, c'est la cigale. Donc même si au Rocamadour, il y a des cigales. Oui, il y a des cigales et c'est assez rigolo parce que de temps en temps, on a des visiteurs qui nous posent la question « mais ils sont où vos haut-parleurs ?» parce qu'ils ne croient pas qu'il y a des cigales dans le parc. Et c'est vrai que les cigales, quand elles chantent, ça fait un vacarme tellement... ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit qu'il y a certains visiteurs qui se demandent si c'est enregistré, si c'est des haut-parleurs. Mais non, ce sont de vraies cigales. Alors, plutôt que le chant des cigales, on vous offre ici une escapade musicale. Restez à l'écoute, on revient tout de suite sur Campus. C'était Mix Up de l'album Introducing du groupe The Style Council. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui le docteur Davy Ung, éthologue et directeur du parc de la Forêt des Singes, un parc entièrement dédié à une espèce de singe particulière, le macaque de Barbarie. Alors, à quoi ressemble une journée type au parc? Qu'est-ce que vous êtes amené à faire avec les animaux? Alors en fait, la journée type, elle commence le matin avec le nourrissage des singes, c'est important, quand on se réveille, on a faim. Une fois qu'on a nourri les singes, on va faire le tour des singes pour vérifier que tout va bien. Par exemple, on va vérifier les femelles gestantes, s'il y a eu des naissances. On va redonner une petite ration pour les singes âgés qui sont un petit peu plus faibles, un petit peu sensibles. Et ensuite, on va ouvrir le parc aux visiteurs. Et une fois que le parc a fermé ses portes le soir, on va refaire un petit suivi des singes, juste pour vérifier que tout va bien, que tout le monde est parti dormir comme il faut. Au niveau bilan santé, etc. Voilà. Donc globalement, en fait, on intervient le moins possible avec les singes. On essaye de les garder à l'état sauvage et donc on évite au maximum de les toucher. On ne va les toucher que quand on a vraiment besoin de faire des soins, type la contraception ou des traitements particuliers. Et donc vous parlez de contraception, donc comment ça se passe ? En fait, compte tenu des conditions du parc qui sont vraiment idéales, hein, parce qu'il y a toute la nourriture qu'il faut, il y a des soins, il n'y a pas de prédateurs, si tous les singes se reproduisaient, on aurait beaucoup trop de bébés tous les ans et au final, les conditions ne seraient plus optimales pour héberger autant de singes. Donc ce qu'on fait, en fait, pour éviter ça et également pour gérer les populations d'un point de vue génétique, conserver une bonne diversité génétique, qui a un bon équilibre génétique dans les populations, on va mettre des implants contraceptifs à certaines femelles qui fait qu'elles ne vont pas se reproduire. Et l'idée, comment est-ce qu'on fait pour choisir les femelles qui ne se reproduisent pas, du coup ? Alors, la première règle, déjà, c'est que toutes les femelles ont l'occasion de se reproduire au moins une fois. Toutes les femelles ont au moins un bébé. Mmh. Et ensuite, on va regarder au niveau profil génétique et au niveau des familles. Est-ce qu'il y a beaucoup de femelles dans cette famille, inversement, peu de femelles dans l'autre? eh bien, on va peut-être mettre un peu plus d'implants là où il y a beaucoup de femelles et inversement, ne pas mettre d'implants là où il n'y a pas trop de femelles. Donc l'idée, c'est quand même toujours d'avoir cette diversité, d'éviter la consanguinité, d'avoir le plus grand brassage, la plus grande possibilité de profils différents. Exactement, c'est quelque chose qui est important et ça fait partie des rôles des parcs zoologiques de conserver et de promouvoir cette diversité génétique. Il faut savoir qu'en fait, actuellement, il y a environ 8000 magots qui existent à l'état sauvage. D'accord. Et que sur l'ensemble des 4 parcs qui font partie du groupe, on a environ 800 magots. Ouais. Donc ça représente 10% de la diversité génétique par rapport aux animaux qui vivent à état sauvage. Donc c'est très important de conserver cette diversité génétique. Aussi, au parc, j'ai vu qu'il y avait une équipe de chercheurs, des éthologues, qui venaient étudier les comportements des animaux. Alors, qui sont-ils et sur quoi est-ce qu'ils travaillent en ce moment ? Alors, on travaille avec le professeur Julia Fischer de l'université de Göttingen en Allemagne. Et c'est une personne qui fait de l'éthologie, c'est-à-dire qui étudie le comportement animal. Et en l'occurrence, on a fait beaucoup de travaux depuis que le parc a ouvert ses portes. Son équipe a notamment, tous ses travaux ont notamment permis de décrire plus de 100 comportements différents de communication chez le magot. Vocal, posture, mimique, tout mélangé. Oui, un inventaire comportemental. D'accord. De qu'est-ce que fait le magot et qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits plutôt au début, on va dire. Plus récemment, on a eu une doctorante justement de Julia Fischer qui est venue et qui, elle, s'intéressait à l'influence du vieillissement sur les interactions sociales. Donc, par exemple, est-ce que les vieux singes vont être un peu plus à l'écart du groupe par rapport aux autres quand ils vieillissent? Est-ce que leur nombre d'interactions avec les autres singes va diminuer? Est-ce qu'ils vont être en gros un petit peu moins sociaux? C'est plutôt le cas. C'est un petit peu ça la question. Et oui, c'est comme chez nous, c'est plutôt le cas. Les vieux se retrouvent un peu à l'écart. Un petit peu, oui. Un petit peu. Et nous continuons d'accueillir des chercheurs dans le parc. Et nous avons en projet, on ne sait pas si ça réussira à se faire ou pas, mais nous avons plein de projets de recherche. Notamment deux projets, un qui aimerait regarder l'influence des odeurs sur les informations sociales qui sont obtenues par les singes, qui est quelque chose d'assez intéressant, parce que souvent les singes, on pense plutôt au sens de la vue, un peu comme chez nous, et pas trop aux odeurs, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser. Et un autre qui concerne de la reconnaissance faciale. D'accord, pour reconnaître les émotions, filmer, ce genre de choses. Alors non, déjà la première étape, ce serait de filmer les singes et d'être capable de reconnaître l'identité du singe, ne serait-ce que grâce à la vidéo. Ah oui. Donc ce sont des projets assez intéressants qui peut-être se feront dans un futur proche. Alors en tout cas, je le souhaite parce que les résultats sont plutôt alléchants. Alors, on le disait tout à l'heure, au niveau de la diversité génétique, il y aurait 8000 magots à l'état sauvage, donc ça fait quand même pas beaucoup, on est d'accord. Donc c'est une espèce menacée. Pourquoi est-ce que le macaque de barbarie, le magot, disparaît de son milieu naturel? Alors, comme souvent, c'est notre faute. C'est l'homme le responsable. Les principales causes, c'est la destruction de l'habitat. On détruit trop de forêts, on coupe trop d'arbres, et forcément, il n'y a plus d'endroit pour le magot pour qu'il puisse faire sa vie, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on parlait tout à l'heure, enfin, en première partie de l'émission, qui vivaient vraiment dans des lieux un peu montagneux, un peu à l'écart. Il y a quand même des gens qui habitent là et qui détruisent l'habitat. Oui, et puis il y a aussi, du pâturage, on va dire, qui se fait, beaucoup de chèvres, de moutons. D'accord. Donc ça aussi, ça pose problème. Et les chèvres, les moutons, ça peut se déplacer dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de routes, où peut potentiellement y avoir des magots. Et le problème des chèvres et moutons, c'est qu'en fait, ils se nourrissent des mêmes plantes que les magots. Ah, oui. Donc ça fait de la compétition alimentaire. Un peu moins à manger pour les magots, du coup. Avec les chèvres et les moutons, il y a aussi souvent des chiens de berger. Et ça aussi, pour les magots, c'est un problème, parce que le chien, c'est un prédateur du magot. Et puis, une dernière cause du déclin du magot, malheureusement, c'est le braconnage. C'est-à-dire qu'ils sont tués pour leur viande ? Non, alors il peut y avoir effectivement ces choses-là, mais c'est un peu accessoire. Le problème, c'est surtout le commerce illégal des bébés. D'accord. Les bébés sont braconnés, arrachés à leur mère et vont ensuite être revendus, par exemple, comme animaux de compagnie. Alors qu'on sait très bien qu'un petit singe dans une maison, c'est pas terrible en général. Non, c'est une catastrophe. Mais... Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut essayer de... Quelles actions on peut mener sur le terrain pour essayer de préserver l'espèce ? Alors, on peut faire différentes choses. La première des choses qu'on fait, et que nous faisons même tous les jours à Forêt des Singes, c'est de sensibiliser le grand public à la sauvegarde de l'environnement, à la sauvegarde des espèces menacées. Au-delà du grand public, c'est aussi important d'aller sensibiliser les populations locales. Parce que le magot n'a pas toujours bonne presse en fait auprès des populations locales. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de conserver nous notre population en bonne santé et de faire attention justement à la diversité génétique. On en parlait. Et ce qu'on fait régulièrement, quasiment tous les ans à la Forêt des Singes, c'est qu'on participe à la semaine de la conservation. C'est-à-dire pendant une semaine, une partie de l'argent obtenu grâce aux entrées et reversé à des actions de sauvegarde, soit du magot, soit d'autres singes, soit des actions globales de sauvegarde de l'environnement. Et donc, ils sont reversés à des assos qui agissent sur le terrain, dans le milieu naturel. Localement, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on fait, on va dire, entre guillemets, tous les jours ou tous les ans au parc. Ce qu'on peut faire ensuite sur le terrain, c'est créer des réserves. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le principal problème, c'est l'habitat qui est détruit. Et donc, il n'y a plus d'endroit pour vivre pour les magots. Donc là, vraiment, la priorité, ce serait de pouvoir créer des réserves naturelles où les magots pourraient vivre. Et une fois que ces réserves naturelles seraient créées, ce qui pourrait être intéressant, évidemment, c'est de faire des réintroductions. Et ça, est-ce que c'est possible de réintroduire, par exemple, des animaux qui seraient nés à la Forêt des Singes, des animaux captifs ? Ils s'habitueraient, ils pourraient vivre leur vie d'animaux sauvages si on les réemmenait dans leur milieu d'origine ? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est des choses qui ont déjà été faites par la Forêt des Singes et par aussi les autres parcs. Il faut savoir qu'il y a plus de 600 singes qui ont déjà été réintroduits au Maroc. Et sur ces 600 singes, il y en avait plus de 100 qui venaient de la Forêt des Singes. D'accord. Et donc, ils se trouvent bien, ils trouvent leur nourriture, ils résistent au climat sur place, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, ce à quoi il faut faire attention, c'est à la manière dont on va réintroduire ces singes. C'est-à-dire que, par exemple, on va choisir des endroits éloignés des habitations, éloignés des cultures, et là où il n'y a pas ou très peu de singes sauvages, déjà. Et ce qu'on va faire, on va prendre un groupe entier, donc du plus jeune au plus âgé, et on va l'amener à cet endroit-là, et au départ, on continue de lui apporter de la nourriture, de l'eau, pour que l'habituation se fasse progressivement. Donc il y a une transition, on ne va pas ouvrir une cage, non, les laisser, ça, pouf, voilà. Se débrouiller, allez, non. Salut les mecs. Okay. ça pourrait peut-être être difficile pour eux, effectivement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois, entre guillemets, qu'on a ouvert les cages, on ne les laisse pas divaguer non plus comme ça. Certes, on leur apporte un peu de nourriture et d'eau, mais il y a aussi un suivi scientifique pour vérifier que ça se passe bien et qu'ils arrivent bien à s'adapter. Ok, bon, on garde l'espoir. Alors, pour finir cette intervention, je voudrais juste savoir, donc, quand est-ce qu'on peut venir vous voir ? À Forêt des Singes ? Alors c'est facile, on est ouvert tous les jours, que ce soit jour férié, week-end ou peu importe, on est ouvert tous les jours environ de la fin mars à la mi-novembre. 10h-17h ? Ça dépend de la période, en fait on suit la course du soleil, 10h-17h en très basse saison, et puis quand il fait un peu plus beau, 10h-17h30, 10h-18h, voire même 9h30, 18h30 en été. Pour profiter de la lumière qui diminue sur Rocamadour, qui est juste en dessous avec la ville et les clochers. Exactement. Eh bien merci beaucoup Déby pour toutes ces informations, ça donne envie de venir vous voir. Pour plus d'informations, surtout n'hésitez pas à aller consulter le site internet de la Forêt des Singes, www.laforêtdessinges.com. Je vous mettrai tout ça sur le podcast et on finit, comme de bien entendu, avec quelques conseils lecture pour aller plus loin. Alors, j'aurais voulu vous conseiller des ouvrages sur les macaques de barbarie, mais malheureusement, il n'y en a pas vraiment à l'heure actuelle. Alors, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, sortez des livres sur les macaques de barbarie. Nous, on est preneurs. Alors, avec la permission de Déby, je me rabats donc sur le charisme débordant du cacapo pour vous donner envie d'en apprendre un peu plus sur lui après cette première chronique introductive. Alors, je vous mettrai là aussi les liens sur le site du podcast, mais je voulais vous conseiller deux vidéos en plus d'un livre. Alors, en premier lieu, bien sûr, impossible de passer à côté de celle de la BBC. Dans cette scène qui est issue du documentaire, donc Last Chance to See, Dernière Chance d'Apercevoir, On voit Sirocco, donc le kakapo, qui malmène puis viole la tête du zoologiste anglais Mark Carwardine sous les yeux médusés de Stephen Fry, l'acteur anglais. C'est pas du tout moral, parce que le pauvre homme a l'air de passer un sale moment, mais ça reste très très drôle, et le piaf a l'air de vraiment prendre son pied. Donc je vous la conseille chaudement. La seconde est un peu plus sérieuse, mais je l'ai beaucoup aimée, et vous la trouverez sur la chaîne YouTube Carbone Vivant. Elle s'intitule Kakapo, drôle d'oiseau, et vous y retrouverez de nombreuses informations sur la bestiole, le tout agrémenté de très jolies animations, dessins, infographies. Le ton est ludique et fun, bref, une réussite. Et pour finir, je ne peux que vous conseiller un ouvrage jeunesse que j'aime beaucoup, entièrement dédié à la faune complètement bizarre de la Nouvelle-Zélande et qui montre un fier kakapo en couverture. Il s'agit du livre intitulé « Nouvelle-Zélande » de la collection « Géniale Nature » édité par les éditions Sabine et ses copains. L'autrice et photographe Sabine Berner a eu la chance de rencontrer Sirocco, en vrai de vrai, et elle parle de plusieurs programmes de conservation mis en place pour sauver tous ces animaux mis en danger par activité humaine. Elle va à la rencontre de toutes ses équipes de volontaires, dévoués, passionnés, mais aussi d'une faune surprenante. Kakapo bien sûr, mais aussi le takae, une sorte d'énorme poule d'eau violette au bec rouge, le weta géant même, l'insecte qui est plus gros qu'une souris, qui est l'emblème des studios d'effets spéciaux de Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux et tant d'autres, le fameux kiwi, les geckos et tant d'autres. C'est un livre original qui donne envie de sauver la planète et de rencontrer tous ces animaux fascinants. Je ne peux que vous le recommander. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.